Quelle joie de partir, d'aller loin. Puis Nantes, c'est la mer. Je verrai les grands vaisseaux, les officiers de marine, la vigie, les hommes de quart. Je pourrai contempler des tempêtes. J'entrevois déjà le phare, le clignotement de son œil sanglant, et j'entends le canon d'alarme lancer son soupir de bronze dans le désespoir des naufrages. J'ai lu la France maritime, ses récits d'abordage, ses histoires de radeaux, ses prises de baleines. N'ayant pu être marin, par la catastrophe Vidalgen, je me suis rejeté dans les livres où tourbillonnent les oiseaux de l'océan. Et à Nantes, je pourrais m'échapper quand je voudrais. Le voyage actuel, en attendant l'évasion par eau salée, est déjà plein de poésie. Nous avons d'abord la diligence, l'impériale. Puis, nous entrons dans une gare. Les machines renâclent comme des ânes ou beuglent comme des bœufs et jettent du feu par les naseaux. Il y a des coups de sifflet qui font des lames. Nous arrivons à Orléans la nuit. Les mâles sont laissés à la gare. Mais il y a des choses qu'il faut garder avec soi, dit ma mère. Et elle a gardé beaucoup de choses. On les entasse sur moi. J'ai l'air d'une boutique de marchands de paniers et je marche avec difficulté. La lune est dans son plein. Toutes mes nuits qui datent l'ont eu jusqu'ici pour témoin. Elle inonde la plage de ses rayons et nous tachons l'espace de notre ombre. C'est même curieux. Je parais énorme avec mon échafaudage biblique et quand mon père ou ma mère courent après un colis qui est tombé, les ombres s'allongent et se cognent sur le pavé. Mon père a un nez. Je ne puis pas rire. Si je riais, je laisserai encore échapper quelque chose. Puis, je n'ai pas grande envie de rire. Quelqu'un là-bas. Quelqu'un? C'est une femme. Je dis que c'est une femme. Sur quoi est-elle montée? Sur quoi? Oui, sur quoi? Ma mère est aigre, très aigre. Hé, hey, la bonne femme! Rien ne bouge comme mes colis qui ont failli s'écrouler. Mes amis, nous nous sommes tous trompés. La voix de mon père a un accent religieux, des notes graves. On dirait qu'une larme vient d'embrouiller les cordes. Tous trompés, reprend-il, avec le ton du plus sincère repentir. Ce que nous avons devant nous, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est la pucelle d'Orléans. Il s'arrête un moment. Jacques, c'est la pucelle! J'ai entendu parler d'elle en classe. La Vierge de Don Rémy, la bergère de vos couleurs. C'est la pucelle, Jacques. Je sens qu'il faut être ému, je ne le suis pas. J'ai trop de panier aussi. Ma mère connaît de réputation Jeanne d'Arc, mais elle ignore le nom chaste que lui a donné l'histoire. Quand tu auras fini de dire des saletés à cet enfant? Les bras lui tombent en voyant que mon père me dit des mots qui ne doivent pas se dire pendant que je porte des bagages à 2 heures de la nuit dans une ville de province que nous ne connaissons pas. C'est Jeanne d'Arc, reprend ce père accusé d'être léger devant son enfant, celle qui a sauvé la France. Oui, répond ma mère d'un air distrait, et elle ajoute d'un air content. On peut s'asseoir contre. Nous avons passé la nuit là. C'était un peu dur, mais on avait le dos appuyé contre le socle de la statue. Un sergent de ville qui nous a vus s'est approché. Le sergent de ville nous a pris pour une famille de pèlerins fanatiques qui étaient venus tomber d'épuisement, avec beaucoup de bagages par exemple, au pied de leur sainte. Il ne nous a pas brusqués, mais il nous a dit qu'il fallait partir. Il s'est offert à nous mener dans une auberge tenue par son beau-frère même, au bout de la rue, près du marché. Nous sommes dans l'auberge. Elle s'éveillait. Un garçon d'écurie rôdait avec une lanterne. On attelait la carriole d'un paysan. Le sergent de ville appelle son beau-frère en tapant contre une cloison. Un grognement. « On y va, on y va !» À travers les fentes, on voit passer une lumière et l'on entend l'homme qui s'habille en bâillant, ses bretelles qui claquent et ses souliers qui traînent. « Ces personnes demandent à coucher et un morceau sur le pouce !» Mais ma mère intervient. « Couchez seulement, fit-elle. Nous mangerons en nous éveillant. »« Comme vous voudrez, fait l'aubergiste, à qui il importe peu de vendre ses fricots le matin ou la nuit, et qui préfère même, une fois les voyageurs couchés, se recoucher aussi. » J'entends les boyaux de mon père qui grognent comme un tonnerre sous une voûte. Les miens hurlent. C'est un échange de borborygmes. Ma mère ne peut empêcher elle aussi des glouglous et des bâillements. Mais elle a dit à la station qu'il ne fallait pas dîner et l'on ne mangera pas avant demain. On ne mangera pas. Mon père va se coucher. Ma mère le suit. On met une paillasse pour moi dans un coin. Je tombe de fatigue et je m'endors. Mes parents en font autant. Mais nous nous réveillons tous les trois par moments au bruit que font nos intestins. Et le lendemain au déjeuner, où mon père et moi nous empifferons, elle reproche tout haut à mon père devant les hôteliers, devant les voyageurs, d'être un homme sans cœur, un époux sans conduite. Elle compte son histoire. Elle dit le nom tout haut. C'est le regret de quitter ta brignoline qui te talonne. Ha ha! On veut s'empiffrer pour oublier.